Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et Jean-Tiane La France qui m'accompagne. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonne année, Myriam. Bonne année. Je suis tellement contente qu'on se retrouve. On a très bien décroché pendant notre petit congé oui, des fêtes. Oui, tout à fait. On a pris une pause. On vous a laissé sur pause aussi, à vous à la maison, mais on reprend du galon en cette nouvelle année encore toujours pleine d'incertitudes, mais à distance, tout peut se faire ou presque maintenant. Alors, on continue à faire nos émissions de radio bien confortablement à la maison. Exactement. On prend le temps de vous souhaiter justement à la maison une très belle année pleine de santé, bien sûr, d'amour et bien sûr d'art et de culture. Puis, oui, on en veut plus cette année. Oui, oui, plus. Par contre, malgré toutes les incertitudes de l'année 2020, le monde artistique nous a vraiment fait une belle démonstration de résilience et de réinvention, même si ça a été très difficile pour les artistes et les lieux de diffusion. Donc, on avait envie, pour commencer l'année tout en douceur, de revenir sur nos coups de cœur, soit d'événements ou d'entrevues de l'année 2020. Je veux quand même prendre le temps de souligner quelques coups de cœur d'entrevues que j'ai fait dont je pourrais pas passer des extraits ce soir parce que sinon on ferait une émission de 3 heures. C'est mais, pas le but. Non, c'est ça. Mais en repassant sur ce qu'on a fait dans l'année précédente, je me suis rappelée de l'émission qu'on a faite ensemble le 12 février dernier. On a été visiter l'exposition « Collectionner l'art en couple » à la Galerie 3. Oui, et on s'y est retrouvés sans même s'y donner rendez-vous. Exactement. C'est juste un beau souvenir de l'année 2020 avant que tout foute le camp. Une si belle exposition. Vraiment, puis c'est rare qu'on voit les choses ensemble. D'habitude, on le fait chacun de notre côté, puis on s'en reparle après. Mais là, j'avais trouvé ça vraiment agréable qu'on puisse en parler de vive voix à chaud dans l'exposition, justement. Puis j'ai eu un gros coup de cœur pour Ilana Pichon, que j'ai passé en entrevue et que toi aussi, t'as passé en entrevue l'année dernière. J'ai « Rebâtir le ciel » avec Simon Aymon, Michel Lemelin, qui parle de la réalité de la communauté LGBTQIA2+, en région, sous forme d'un livre qui marie vraiment bien la photo et la littérature. Donc, c'est pas qu'un livre photo. J'en ai eu plein des coups de cœur. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Mais ça c'était vraiment mes gros highlights en bon français. Toi, Jean-Tienne, qu'est-ce que... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'exposition commissariée par Martin Bureau. Oui. C'est Anthropocène, la contemplation de la menace, qui a été présentée à la maison Amel Bruno, malheureusement, pour... Je pense que c'était une semaine là, avant le reconfinement de la culture. Une très, très belle exposition. J'avais eu l'occasion également de m'entretenir avec Martin. Là, on a appris la fermeture des lieux de diffusion le jour même. Et puis, on s'est dit, bon, on fait l'entrevue quand même. Et puis, depuis ce temps-là, on n'a pas pu retourner voir cette exposition-là. Donc, on avait des œuvres d'Evelyne Boulevard, d'Édouard Bertinsky, de Guillaume Dessire, de Dominique Gaucher, de Nadine Larchet. Une belle exposition très multi. Donc, ça allait vraiment dans différentes sensibilités, différents médiums, où, évidemment, avec ce titre Anthropocène, c'était cette inquiétude aussi, mais également ce sentiment de sublime qu'on ressent devant les effets des agissements de l'être humain sur l'environnement. C'est assez à propos pour l'année 2020. Oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, cette espèce de sentiment d'inquiétude, mais également d'aller chercher une esthétique, une beauté. Puis évidemment, moi j'aime beaucoup la maison Amel Bruno comme lieu de diffusion. Il y a quelque chose de très intime, très domestique dans l'exploration de ces espaces-là qui sort complètement du cube blanc puis qui nous fait vraiment vivre. Ça a été une de mes expositions coup de cœur là. Mais c'est que ça donne l'impression que l'exposition a été faite juste pour nous. que le lieu d'exposition attend qu'on entre là, pour vivre. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de, à défaut d'avoir un meilleur thème, magique. Et j'ai beaucoup aimé également le projet topographie qui a été présenté par Vue, donc un projet qui rassemble des artistes de la photographie, auteurs, donc il y a eu une publication, il y a eu un colloque, et puis actuellement on peut se déplacer jusqu'à la place Duville. Il y a une exposition, tu sais, les panneaux de la ville, là, donc il y a une exposition oui. En ce moment pour explorer ce projet-là. Donc je trouve que ça a été une belle réalisation de Vue là, qui, comme beaucoup de centres d'artistes, s'évertue à avoir des activités artistiques malgré la fermeture des lieux de diffusion. On a aussi sélectionné des coups de cœur de qu'est-ce qui s'est passé à l'émission L'Aérospatiale, Myriam. Oui, exactement. Donc, ce soir, on a décidé de commenter et repasser des extraits des entrevues ou des segments d'émissions, en fait, qu'on a pu faire pendant l'année 2020. Toi, Gentiane, t'as sélectionné une entrevue avec Evelyne Bouleva. Oui, ben vous pouvez déjà sentir que j'ai une préférence pour la pratique d'Evelyne Bouleva parce que je viens d'en parler à l'exposition Anthropocène. Mais j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Evelyne pour l'émission du 24 juin. Donc, on a eu une belle conversation à l'atelier. Et puis, elle nous a parlé de ce qui l'anime en ce moment, c'est-à-dire qu'elle est allée, en 2009, en 2019, elle est allée explorer les icebergs sur les côtes de Terre-Neuve. Elle les a documentés, le prix des photographies, et elle travaille à partir de ce matériel-là depuis. Et elle a fait plusieurs projets, dont un de ses projets qu'on retrouvait à la maison Amel Bruno. Donc, une très, très belle sensibilité dans le travail d'Evelyne Bouleva. Une belle exploration aussi du médium du dessin. On sent aussi qu'il y a comme une lenteur puis une attentivité dans son processus, dans son procédé artistique qu'on retrouve dans la personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, c'est une belle rencontre. Et puis, on va avoir l'occasion d'en écouter un extrait là, dans très peu de temps. Oui. En première partie, toujours après avoir écouté l'extrait de ton entrevue avec Evelyne Bouleva, j'ai fait un petit quelque chose de différent. En fait, pendant le temps des fêtes, il y a quelqu'un qui m'a prêté un livre et ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et c'est une bande dessinée qui est illustrée dans un style vraiment particulier. Je ne sais pas si tu connais l'illustratrice, la BDiste Julie Delporte. J'ai trouvé ça super intéressant, mais le style est vraiment... comme j'ai dit, un coup de cœur. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard à l'émission. En deuxième partie d'émission, tu nous suggères un retour sur une autre entrevue qu'on a eue à l'émission. Qu'est-ce que c'est, Gentiane? Mais en fait, c'est une rencontre que Marie-Claude Drolet a fait avec l'artiste Catherine Lebel-Ouellette. Elles se sont rencontrées là, dans les ateliers de la Maison des métiers d'art pour l'émission du 4 novembre 2020. Et on y découvre... Catherine Lebel-Ouellette est une artiste... émergente, mais qui elle a un grand parcours quand même derrière elle. Donc, elle a étudié en photographie, elle a étudié en histoire de l'art et elle vient de terminer un deck en céramique. Donc, tout son parcours vient nourrir sa pratique. Et puis, c'est vraiment intéressant de plonger un peu dans ses explorations. Puis, c'est vraiment un privilège qu'on a à l'aérospatiale de pouvoir rencontrer des artistes puis de plonger comme ça dans leur processus artistique, dans leur pratique, puis de s'interroger sur ce qui se passe justement à l'atelier, puis dans leur tête, et puis oui, c'est quoi vraiment. Leurs interrogations. Puis Marie-Claude Drolet, notre chroniqueuse, est excellente en plus pour faire ces rencontres-là, oui. Puis ces entrevues-là de fond, puis vraiment d'aller, comme tu dis, creuser un peu dans la tête là, des artistes. Et puis, tu as sélectionné une entrevue que j'ai faite, Myriam! Ben oui, j'ai eu un petit coup de cœur. Au début, j'en avais choisi une que j'avais faite, puis en continuant d'explorer les entrevues, je suis tombée sur une entrevue que tu as faite le 26 février en studio, avant qu'on tombe en confinement. Cette autre époque, c'est difficile de se rappeler comment c'était avant Zoom, mais c'est une entrevue que tu as faite avec Amélie Laurence Fortin. Amélie! Ben oui, exactement. C'est pour ça que je l'ai choisi, en fait, parce qu'on sent toute cette complicité-là dedans, le petit « Oh, Amélie! » quand on entend l'entrevue. Puis j'expliquerai plus tard dans l'émission qu'est-ce que j'ai retenu de cette entrevue-là. Ça dresse un peu le portrait de ce qu'on va pouvoir écouter au courant de cette émission de l'aérospatiale. Et cette semaine, notre conseiller mélomane maison, Simon Roy, nous propose la musique du band montréalais Bleu Nuit avec des extraits de leur album Le Jardin des mémoires qui est sorti en avril 2019. On se laisse tout de suite sur la piste Ferme les rideaux et au retour, on écoute un extrait de l'entrevue de Gentilhomme de la France avec l'artiste Evelyne Boulevard. Bonjour, Evelyne Boulevard. Bonjour, Jean-Ciane. On voit au mur ce sur quoi tu travailles en ce moment. Tu travailles sur des icebergs. Ça va rejoindre tes inquiétudes environnementales qui sont de plus en plus arrimées à ta pratique artistique. Dans les dernières années, j'ai l'impression que ces inquiétudes environnementales-là s'intègrent de plus en plus dans ta pratique artistique. Je me trompe? Non, tu te trompes pas, effectivement. C'est vraiment une orientation qui est prise actuellement dans le travail, qui est partie d'un souci du paysage, je dirais, du paysage qui se transforme au gré de la façon dont on habite la planète. Et évidemment, la question écologique, tranquillement, a pris une place assez importante dans mes réflexions, particulièrement depuis un séjour au Belize dont on avait déjà discuté, là, qui m'avait permis de prendre, entre autres, la mesure de la plastification des océans. Ça, c'est un des éléments. Puis de l'érosion des berges induite par un paquet de phénomènes groupés liés à la pollution, liés au changement climatique. Donc, ces réflexions sont poursuivies. Dans ma pratique. Et du Belize, je suis passée à des environnements un peu plus nordiques l'an Parce dernier. Que, oui. cette série d'icebergs-là, elle prend origine dans un séjour que tu as fait à Terre-Neuve. C'est bien ça. Et Terre-Neuve-Labrador? Terre-Neuve, pas Labrador. OK. Ouais. Et tu es allée observer les icebergs ou c'est les icebergs qui sont venus à toi? Je suis allée observer les icebergs, oui, effectivement. Donc, on est parti il y a un an exactement, on était à Terre-Neuve. Le voyage se terminait à cette date, donc la météo est un peu différente. Donc, il y a eu une observation pendant, je dirais, 3 semaines d'icebergs dans différents lieux de l'île. Puis j'ai eu la chance quand même d'en voir un bon nombre à l'occasion, de m'en rapprocher aussi, d'en voir au moins 2 qui se disloquaient. Donc vraiment dans des moments où tranquillement ils disparaissent. Puis ces moments-là sont devenus des temps forts qui m'ont inspiré pour le projet en cours. C'est des dislocations, de perdition, de transformation de l'environnement. Yeah. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu portes? Est-ce que tu Nous sommes de retour à l'aérospatiale. Nous venons d'entendre un extrait de « On se dévoile dans nos décombres », toujours du groupe montréalais Bleu Nuit. Gentilhomme de la France avec vous et encore toujours avec Myriam Leland, notre chère co-animatrice. Et puis Myriam, Pendant les fêtes, tu t'es plongée dans la lecture de la BD, moi aussi je voulais l'emporter, de Julie Delporte, et puis tu avais très très envie de nous en parler. Ça traite d'art visuel. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est un livre qui m'a été prêté par une personne qui m'est chère. Puis, je connaissais pas du tout Julie Delporte. En fait, cette personne-là qui me l'a prêté, je sais qu'elle adore cette autrice-là. Mais moi, je connaissais pas du tout son travail. Donc, je te montre la couverture. T'es chanceuse, toi, t'as droit au visuel. Ah, c'est magnifique. C'est très beau. Puis j'ai été faire des petites recherches un peu. C'est un style qui revient dans tous ses livres. Donc, la même tonalité des couleurs, l'écriture en attachée, mais fait au crayon de couleur aussi. Puis, à l'intérieur, c'est comme ça également. C'est vraiment des dessins au crayon de bois, parfois un peu d'aquarelle. Donc, il n'y a pas de cases, là. C'est vraiment chaque page est un tableau composé de textes et d'images qui sont répartis sur la page. Très exactement. Puis, ce qui m'a frappée dès la première page, il y a toujours, ben toujours, il y a souvent des petites citations là, dans le troisième de couverture. En tout cas, la première page quand on ouvre la couverture. Puis, c'est vraiment niaiseux comme détail, mais j'ai trouvé ça vraiment touchant. Ce sont vraiment des photocopies, en fait, d'extraits de livres. Je ne sais pas si tu es capable de voir à la caméra. C'est vraiment des coupures comme de journaux, d'articles qui ont été photocopiés, Donc, on est dans le scannés. collage, là. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment beau. Je trouvais ça bien parce que c'est le genre de truc qu'on fait dans un journal, justement, un genre de scrapbook. Tu découpes des coupures de journal, des choses comme ça. Puis, c'est quelque chose qui revient aussi Donc, dans le ça vient livre. amener une matérialité, une chaleur, parce que bon, déjà, le crayon de bois, l'aquarelle, c'est très chaleureux comme médium. Donc, il y a quelque chose de très chaleureux dans cette bande dessinée-là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça m'a vraiment donné l'impression d'un carnet de dessin qui a été un peu transformé en livre ou d'un livre qui serait un carnet de dessin. Je ne sais pas trop dans quel sens on le place, mais même dans certaines pages, j'en ai annoté, on voit, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que justement, ça nous montre un peu le processus avec lequel ce livre-là a été créé. On voit des petits codes de couleurs, en fait, un peu comme sur les emballages d'aliments, quand il y a de l'impression, on a un petit code de couleurs, donc les couleurs qui ont été utilisées pour faire l'impression. Mais là, Il y c'est a Audrey l'artiste. Demers-Roberge a déjà utilisé ça aussi dans ses tableaux dessinés, Oui. d'aller faire une échantillon de toutes les couleurs qui sont utilisées dans le dessin, là. Exactement. Mais là, on le retrouve à plusieurs endroits dans le livre. Puis, je me rends compte avec ce livre-là, puis en réécoutant les entrevues justement qu'on a sélectionnées pour l'émission ce soir, j'aime vraiment beaucoup ça, me mettre un peu à la place de l'artiste lors de la création. Et j'aime ça avoir des petits détails comme ça qui me disent, ah ben, cette journée-là, elle s'est assise devant sa table à dessin, elle a fait des petites lignes avec ses crayons de couleur, puis à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle me fait, OK, oui, ça fonctionne, ces couleurs-là, tu sais. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long du livre. Il y a Donc, même on a un. vraiment accès au processus. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est presque un carnet de dessin parce que des fois, on a même un scan complet du carnet de dessin comme tel. Donc, c'est vraiment intéressant pour ce qui est du contenu plus littéraire du livre, ben, pas en opposition, mais en lien avec le contenu visuel. C'est un livre qui était supposé porter sur l'artiste Tove Jansson, qui est en fait l'artiste qui a créé les Moomins. Donc, Ah, c'est ces petits bonhommes finlandais qui ont Oui. peuplé notre enfance. Exactement. Donc, l'autrice, Julie Delporte, a une fascination pour Tove Jansson. Elle adore son travail. Elle adore les principes aussi qui ont animé sa vie. Puis, elle a été en Finlande, justement, dans le but d'écrire un livre et d'illustrer un livre sur la vie de Tove Jansson, sur son œuvre et tout ça. Finalement, je suis pas prête à dire que c'est pas du tout ça, parce qu'on retrouve Tove Jansson dans le livre, mais ça ça finit par être encore une fois plus un journal. Le titre fait référence en fait à la règle de grammaire qui dit que le masculin l'emporte toujours. Et c'est ce qu'elle veut dire par « moi aussi je voulais l'emporter ». Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est féministe, qui parle vraiment de l'identité de genre féminin, mais en même temps, justement, qui remet en question, tu sais, elle se pose la question à partir de quel moment j'ai su que j'étais une fille, à partir de quel moment je me suis sentie flouée d'être une fille, à partir de quel moment on réalise que on part perdante un peu dans la vie quand on quand donc on une est espèce fille. De point de vue un peu rétrospectif sur qu'est-ce qui les réalisations qu'on a au cours de notre vie de femme, de fille, de c'est ça, de ce moment décisif où on fait comme OK, là j'ai je pars avec des cartes en moins dans mon jeu là. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. C'est toutes des questions qu'elle se pose puis qui sont pas nécessairement répondues là, de manière théorique, mais c'est ça, c'est plus sous forme de journal, de carnet. Puis, c'est intéressant aussi à mettre en relation avec la vie de Tove Jansson, puisqu'elle était sans enfant. Elle ne s'est jamais mariée volontairement. Elle était bisexuelle. Puis, justement, elle a été très claire qu'elle n'a jamais voulu d'enfant parce qu'elle avait peur que ça l'empêche de peindre. Puis, il y a un passage aussi que j'ai trouvé très touchant qui dit que Tove Jansson, justement, je me rappelle plus en fait si c'est la guerre ou un autre événement typique des humains. Un événement historique, oui. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça, c'est la guerre en fait, que la guerre lui avait coupé toute envie d'avoir des enfants. Même si, malgré cette crainte-là de perdre sa carrière, elle avait encore un tout petit désir, voir la guerre et toutes ces horreurs-là, ça lui a enlevé complètement l'envie d'avoir des enfants. Puis c'est une affirmation à laquelle je m'identifiais pas mal. Puis, oui, puis c'est quand même une figure de femme étonnante parce que, bon, elle est née au début du 20e siècle, là, donc elle détonnait complètement dans le paysage contemporain. Exactement, puis tu sais, elle est décédée, si je me rappelle bien, en France, puis toutes les dernières années de sa vie, elle est passée avec sa partenaire dans son atelier à travailler, à peindre. Constamment. Et c'est super intéressant. C'est une artiste que je connaissais pas non plus, Tove Jansson. Puis finalement, je vais peut-être finir sur cette note-là. Il y a aussi des petites allusions au processus de résidence artistique, parce que c'est un peu ce qu'elle a fait justement en allant en Finlande pour écrire sur Tove Jansson. Puis, il y a une page où il y a un beau dessin de sa table à dessin, justement. Donc, on voit sa main, on voit des outils, des crayons, du papier collant, des ciseaux. Puis, c'est écrit « Je me force à rester à ma table à dessin. C'est difficile. Je finis par googler « syndrome de l'imposteur » et par me mettre à pleurer. » Je pense que c'est une image à laquelle beaucoup d'artistes ayant fait une résidence peuvent s'identifier, ou n'importe qui essaie d'avoir une pratique créative. C'est vraiment quelque chose aussi qui présente beaucoup de femmes, énormément de femmes, justement. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé ça bien parce que, justement, ça parle, oui, de son statut de femme, de fille, son rapport avec les enfants, mais son rapport à sa carrière aussi, puis tout ça lié à Tove Jansson, à des magnifiques dessins. Les couleurs sont vraiment superbe. Ah oui. C'est intéressant parce qu'il y a quand même un lien fort entre la communauté artistique du Québec et puis celle de la Finlande, notamment grâce aux bourses du calque qui permettent des résidences. Là, je me souviens plus du nom de l'institution en Finlande qui accueille des artistes en résidence. Et puis, à chaque année, il y a des artistes québécois qui y vont. Fait qu'il y a comme une espèce de lien qui finit par se créer entre le Québec et la Finlande qui vont partager. Bon, évidemment, on parle de nordicité, on parle de différents aspects culturels, mais qui ont des cultures aussi très, très éloignées et qui gagnent à se nourrir l'une l'autre. Là. Puis je l'ai lu il y a à peine une semaine, puis là, je le refeuillette et j'ai envie de le relire encore. C'est vraiment une belle découverte. Tu nous donnes envie, Myriam Leland, de découvrir cette œuvre de bande dessinée de Julie Delporte. Oui, moi aussi, je voulais l'emporter. Donc, un hommage détourné à Tove Jansson. Exactement. Puis elle a d'autres livres aussi, donc celui-là est sorti en 2017, mais c'est une autrice assez prolifique. Il y en a un qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Décroissance sexuelle, puis qui a l'air un peu différent. Déjà, la couverture est plus en noir et blanc, donc ça détonne un peu de ce qu'on peut voir sur ses autres couvertures, mais c'est encore dans son style. Il y a aussi l'œuvre journal qui avait été publiée en 2014, mais qui a été republiée en 2020, en mars 2020, avec une note parce que ça fait 10 ans qu'elle a écrit ce livre-là. Donc, c'est assez intéressant justement de voir son propre regard à elle sur ce journal-là, sur ses réflexions. J'ai vraiment hâte de lire aussi. Puis ces deux livres-là, petit clin d'œil, sont disponibles à la librairie Café Saint-Suave. Donc, vous pourrez, quand on finira par être déconfiné, vous pourrez aller faire un petit tour. Les deux nouveaux livres sont déjà présents. Bien, merci beaucoup, Myriam Leland, pour cette belle découverte. Et nous, on va prendre une pause publicitaire et au retour, on redécouvre encore des entrevues de notre année 2020.